Bonsoir Valentin. Bonsoir mon petit Karel, comment ça va? Ah, ça va et toi Valentin, t'as 19 ans et t'es Lillois. Oui, tout à fait, à Lille. Ah, ça fait plaisir ça. Tu nous appelles pour nous poser une petite question à la con. Ouais, on m'a dit que c'était une question à la con, mais bon, moi je trouve ça hyper sensé. Bah vas-y, dis-nous, c'est quoi ta question censée à la con? Alors, moi j'avais une petite question, c'était si je me retrouve un jour perdu sur une île déserte, tu vois, genre tout seul, est-ce que je peux boire ma pisse pour survivre ou pas? Ta pisse? Alors, ouais. Moi j'ai vu des émissions d'aventuriers où le mec, effectivement, boit son urine pour survivre, Doc. Tout à fait. Ça pose pas de soucis, hein. Si par exemple tu n'as absolument rien pour t'hydrater, que t'es en plein désert et qu'il n'y a pas un cactus et qu'il n'y a pas une flaque d'eau, oui, tu peux boire ton urine, ça va toujours t'hydrater. Après, effectivement, faut pas le faire trop longtemps puisque tu concentres les produits toxiques, mais voilà, ça peut te rendre service pendant un certain temps. D'accord. C'est stérile, donc au moins déjà il n'y a pas de germes. Alors moi j'ai une petite question, je sais pas pourquoi, mais la couleur du pipi, des fois c'est tout blanc, des fois c'est tout jaune. Ouais, ça dépend de ce que tu manges et de ce que tu bois. D'accord, ok. Ah, d'accord. Et tu parlais d'émissions de survie, et moi j'avais vu une émission comme ça, c'était genre Bear Grylls, je sais pas si vous connaissez les gars de Man vs Wild. Et lui, il avait carrément, on le voyait presser une crotte d'éléphant pour en fait en extraire le jus et boire l'eau du truc. Mais quel enfer! Et filtrer plein de trucs avec ses chaussettes et des trucs comme ça, mais pour le coup, lui, il buvait pas que son urine à lui. Non, mais parce que de toute façon, si tu bois ton urine, au bout d'un moment, si t'as rien d'autre à boire, tu vas plus pisser non plus. Ah bah si, ton corps il est quand même fabriqué à 70% d'eau. Donc tu pisses tout le temps. Oui, de moins en moins. Plus tu te déshydrates et moins tu bois. Oui, à un moment donné, tu peux. Si tu bois plus rien du tout et que t'as déjà tout pissé, tout rebu, à un moment donné, tu vas plus y arriver, c'est sûr. Ouais, ok. Bon, écoute Valentin. T'es tout sec. Valentin, tu peux partir sur une île déserte, d'accord? Ok, ça marche. Genre au bout de 2-3 mois, faut que je m'inquiète quoi. Ouais. Peut-être même avant, je pense, quand même, hein. Ah ouais, carrément. Okay. Bah ouais. Bah merci Valentin. Eh bien écoute, de rien mon petit Karel, de rien, toute l'équipe, vous déchirez, c'est tout. À bientôt, c'est tout. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Valentin. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. On a les meilleurs auditeurs. J'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Salut. Au revoir. Allez, bisous. Allez, salut. Salut. Salut. Salut. La bise. Ouais. Ciao, ciao. 22h, minuit. Love in Fun. Le best-of. C'est Love in Fun, c'est le best-of jusqu'à minuit avec dans un instant une vraie question qu'on vous avait posée. Est-ce que vous parlez de sexe avec vos parents ou au contraire c'est hyper tabou? Moi je sais que chez moi c'était assez tabou, hein. On parlait pas de sexe ni de bite, sinon on s'en prenait deux. Hein, mais dans certaines familles on parle comme ça avec maman. Comment s'est passé avec papa? T'as sucé papa? Non, c'est rien, non, c'est fou. Non. Dans certaines familles, voilà, ça parle librement de sexe. On en a parlé avec vous tous, tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, #LoveInFun. Welcome back to the Fun Radio Ibiza Experience. Les meilleurs DJ vous donnent rendez-vous le vendredi 19 avril 2019. Are you ready? Pour ne pas rater la plus grosse soirée Dance Electro à l'Accor Hotel Arena de Paris, réservez maintenant vos billets sur funradioibisaexperience.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente le Bike and Run de Sedan, la course la plus fun de la région Grand Est. Vendredi, venez participer à cette course festive de 10 km. Et juste après, retrouvez le DJ Fun Radio Miko C qui vous mixera tous les tubes de Party Fun dans la cour du plus grand château fort d'Europe. L'événement Bike and Run à Sedan, dans les Ardennes, c'est avec Fun Radio, le son dance floor. Plus d'infos sur sedan.triathlon.com. Not prepared is dead.

Bonsoir Corentin. Toujours, toujours, t'inquiète. La transition est toute faite puisqu'on va parler de se laver, hein, n'est-ce pas? Ouais. Alors c'est Corentin, ça, qu'est-ce qui se passe avec ta copine? Bah, ma copine, en fait, elle a des problèmes de propreté parce qu'en fait, elle se lave pas du tout tous les jours. Et tu sais que c'est pas une obligation de se laver tous les jours, hein. Je sais que ça peut en choquer certains, mais il y en a beaucoup qui ne se lavent pas tous les jours. La plupart même ne se lavent pas tous les jours, Doc. Oui, il y a même des gens qui montent des blogs, qui ont fait des émissions pour dire non, mais c'est bien de ne pas se laver. Voilà. Bon. Le climat, bien sûr. Hein, c'est ça. L'économie d'eau. Non, mais même, oui, il y en a qui ont des arguments en disant que pour la peau, c'est trop agressif, que on n'en a pas besoin, que les mais animaux ne se lavent pas. C'est vrai que c'est agressif quand même. Oui, oui, bien sûr. Tous les jours. Ça, mais après, il faut plus genre insister sur les parties intimes et le reste pas forcément savonner de ouf tous les jours quoi. C'est un équilibre à trouver et puis surtout en fonction de soi-même son odeur la vie en public enfin bon voilà. Bien sûr, vous me le diriez si je... Non, je pense pas, non. Ah merde. Bah, c'est pas facile, hein. Je pense que j'appellerai, tu recevrais un appel anonyme, hein. Et puis ce serait moi au bout, avec toute l'équipe. On ferait une sorte d'intervention. Ce qui est terrible, c'est quand tu pues, mais que tu le sais pas, quoi. Tu vois, c'est que les gens le sentent, et on a tous été confrontés à une personne qui je suis désolé de dober la mort, ah ouais. Hein, et la personne... T'as le sentiment qu'elle n'est pas au courant, quoi. Alors que tout le monde le dit, quoi. Elle s'habitue peut-être à son odeur. Bah, ça existe aussi. D'abord, faut avoir conscience de son odeur, et puis ensuite, effectivement, tu peux t'y habituer. Alors, Corentin, tu nous dis un problème d'hygiène. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es retrouvé. Elle a quel âge, ta copine? Elle a 15 ans. Et toi, t'en as 19, dis donc. C'est ça. D'accord. Tu sais que 15 ans, vous avez déjà fait des trucs ensemble et tout? Oui. Complètement. Ouais, on fait l'amour ensemble, tout ça. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait un an et un mois. D'accord. Ok. Donc vous avez attendu qu'elle ait 15 ans et demi, bien sûr, pour pouvoir faire l'amour. Évidemment. Ouais. Évidemment. Alors, non, mais c'est important. C'est important parce que la majorité sexuelle, Doc, c'est à 15 ans. Mais c'est pas à partir de 5 ans d'écart, non? C'est pas ça? Ah, non, si, y a ça aussi. Pas, ouais. Il me semble que si t'as que 5 ans d'écart et tout, y a pas de souci par rapport à ah, ça. Ouais, enfin, ouais. Je dis peut-être ça parce que ça m'a arrangé fut un temps, mais. non, mais il me semble, j'ai pas de souvenir. Non, mais t'as raison, Alice. Quand il y a moins de 5 ans d'écart, c'est même autorisé. Enfin, voilà, on parle de tout ce qui est légal, voilà, par rapport à ça. Après, c'est une histoire d'amour, j'imagine, Corentin. Ouais, c'est ça. Voilà, elle est en quelle classe, toi, elle? Elle est passée en foyer, donc elle a fait l'école en foyer. D'accord, ok. Elle a quand même une classe? Oui. Ça change rien? Ouais, mais je sais pas du tout, je sais qu'elle a passé son CVG il y a pas longtemps. Ok, classe de foyer donc. Et toi Corentin, t'en es où toi? Bah moi je suis forain. D'accord, ok. Et alors Camille, puisqu'on parle d'elle, a des problèmes d'hygiène, ça veut dire quoi? Qu'elle se lave à peu près tous les 4 jours. D'accord, et donc c'est gênant parce que ça pue? Pour moi c'est gênant parce que samedi je voulais faire l'amour avec elle et c'était impossible. Ah bien sûr. Ah oui, avec ses odeurs quoi. Oui, je m'en ai déjà parlé de prendre sa douche. Une fois, on a déjà fait l'amour sous la douche. C'était bien pour elle. Mais sinon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais c'est... Hey, Corentin, c'est une excellente technique. Ta meuf ne se lave pas. Tu fais l'amour sous la douche. Viens bébé, on se fait un kiff. On fait l'amour sous la douche. Mais tiens, je te savonne en même temps. Mais elle te dit quoi, du coup, quand tu lui en parles? Parce que tu dis, on en a déjà parlé. Tu lui as déjà dit, écoute, il y a des odeurs. Enfin, il y a un souci d'hygiène. Justement, je dis qu'il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Elle dit qu'elle se lave, mais sa mère et moi, on est persuadés qu'elle se lave pas du tout. D'accord, ah, donc elle nie. Mais elle se brosse les dents quand même, rassure-moi. Non. Elle est dans dégueulasse. Putain, hein. tu l'aimes vraiment, vraiment fort. Hein. Oui, ah ouais. Je l'aime vraiment fort. Ah ouais, ouais. Oui, non, forcément, jour de pluie, c'est la fête, quoi. Tu sors ton savon et tout, quoi. Vas-y. Hein. Hey, viens, on va sortir sous la pluie. On va faire l'amour dans les prés. On va aussi sous la pluie pendant qu'on y est. Bon, écoute. À la rivière. Oui, non, mais bien sûr, il y a des solutions, Corentin. Est-ce que tu veux ce soir profiter de l'émission pour peut-être lui faire comprendre que là, il faut qu'elle se prenne en main ce soir? Moi, je veux bien, mais j'espère qu'elle va l'avouer. Alors. Si elle nie, ça peut être compliqué. Mais comment tu sais que ça fait 4 jours? Tous les 4 jours, c'est sa mère qui te l'a dit? C'est sa mère qui me le dit, puis ça se sent. Ouais, mais voilà. ça pourrait être 5 ou 3. Mais on s'en fout si elle nie, finalement. Le but, c'est qu'elle comprenne le message. Il faut y aller avec des pincettes, parce que t'es pas là pour l'humilier, pour lui dire machin. Comme t'as dit, tu l'aimes. Donc le but, c'est pas qu'elle s'en prenne plein la gueule, genre tu pues et tout, mais peut-être comprendre. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont ce genre de phobie, même la phobie de l'eau, qui ont du mal à aller sous la douche, qui ressentent une sorte de gêne. Donc faut en parler avec elle et pas qu'elle se sente mal à l'aise, surtout par la situation. Voilà, mais juste lui faire comprendre que, toi, ça te bloque un peu, et notamment pour les relations sexuelles et tout, donc t'aimerais trouver une solution. Mais que quand elle te dit qu'elle est irréprochable en termes d'hygiène et de douche, ça t'empêche de trouver une solution. C'est ça. Est-ce que t'as quand même tenté le cunnilingus? Oui, malheureusement. Et alors, ça a donné quoi? Ça pue. Ok. Bon, on passe un petit coup de téléphone à Camille? Ouais, y'a pas de soucis, j'espère qu'elle va répondre. Bah, j'espère aussi, on appelle Camille tout de suite. Tu veux lui parler ou on lui parle? C'est mieux que vous lui parliez. Ok. 23h, Camille va-t-elle nous répondre ce soir? Allô? Oui, bonsoir Camille. Camille? Bonsoir. Bonsoir Camille. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Ça va bien. Et on t'a tête dans le cul, si je peux me permettre. Hein? Non, parce que vous m'avez réveillé en sursaut, maman m'a réveillé. Sans déconner, c'est pas grave. Demain, je monte à l'équitation. Demain, tu montes à l'équitation, d'accord. Alors, oui, je monte à cheval plutôt. C'est pas grave, c'est pareil. On avait compris. Une petite bombe à Martinez, c'est parti. Alors, si on t'appelle, Camille, c'est parce qu'on a un truc à te dire. C'est quoi? T'es en direct sur Fun Radio, Camille. Ouais. Tu connais Fun Radio? Oui, j'écoute. Son dance floor, tout ça. Hein? J'aime bien Fun Radio. Ok. Déjà un bon point. Nous aussi, on aime tous les auditeurs de Fun Radio. Surtout toi, Camille. Et Camille, si on t'appelle ce soir, c'est parce que Corentin, ton petit copain, nous a appelé. Oui, je sais. Et tu sais pourquoi il nous a appelé? Non. Est-ce qu'il y a comme un petit problème d'odeur? Il y a comme un petit problème. Ça je sais. Et alors, il nous dit... Il s'inquiète. Il nous a dit, je lui ai déjà dit, et j'ai l'impression que elle ne se lave pas. Il trouve pas de solution, en fait. Et il sait plus quoi faire. Et il sait plus quoi faire parce qu'il aimerait te bouffer la chatte. Il aimerait te faire des petits cunis, tu vois, des petits trucs comme ça, mais c'est au-delà du raisonnable. Il aimerait te faire plus l'amour et ça l'empêche. Il aimerait te mettre la langue dans le lobe de l'oreille, sur le lobe de l'oreille, dans le trou. Hein? T'en penses quoi, Camille? Vous avez déjà parlé de tout ça, non? Oui. Et t'en penses quoi? Je sais pas. Est-ce que, tu sais, de pas se laver, moi je comprends ça. Je me lave une fois sur deux, ça c'est vrai. Ouais, une fois sur deux? Et c'est genre une fois sur deux tous les 4 jours? Non. ça dépend. Ouais. Une fois sur deux semaines. Disons que t'as pas t'as pas trop le non, temps. Non, je me lave, ça dépend. Ça te saoule de te laver, quoi. J'ai du mal aussi à prendre ma douche, je suis du mal. Mais pourquoi t'as du mal? Parce que t'aimes pas, ça te saoule ou parce que t'es pas fan? Mais en fait, ça me saoule et en fait, j'aime pas et ça me saoule. D'accord. Mais c'est sûr mais, que bon. Mais pourquoi? Ça te saoule parce que t'as la flemme, en fait. C'est ça, c'est une question de flemme? Non. Parce qu'après, en fait, si, tu vois, comme moi, je sors beaucoup et que j'ai pas envie de me laver et de ressortir après. Ah bah, il faut, hein. Parce que moi, je sors souvent le soir. Et si Corentin, t'avais la sensation qu'il avait des problèmes d'odeur et qu'il sentait fort et qu'il te disait oui, mais ça me saoule, je me lave pas et tout, comment tu le vivrais, toi? Bah, mal. Parce que c'est justement ce qu'il est en train de vivre avec toi. Et en fait, t'imagines à quel point il t'aime. Il t'aime au point que même les problèmes d'odeur font qu'il a envie de rester avec toi, qu'il nous dit qu'il a envie de te faire des cunis, qu'il a envie de te faire l'amour, qu'il a envie d'être proche de toi, mais que ça le bloque. J'ai envie de dire un truc. Corentin, en fait, ça fait plusieurs fois qu'il se fout de la tronche de moi, en fait. C'est-à-dire? J'ai plus trop... Bah, en fait, Corentin, en fait, il se fout un peu de moi. Il parle à des amis à moi et qui leur dit je t'aime bébé et plein de trucs comme ça derrière mon dos. Ah, donc vous êtes pas vraiment en couple? Bah, moi je l'aime, mais en fait c'est lui qui fait la merde aussi. Ah, alors Corentin, c'est quoi cette histoire de merde là? Hein? Non, c'est soi-disant, je parle à deux filles, certes, c'est mes potes, mais t'inquiète pas, je suis toujours avec toi, Camille. Hein. Ah, voilà. Ah bon? Parce que c'est bizarre. Parce que il y a. Il sait très bien qui je parle, que tu l'as écrit je t'aime bébé. Qui ça? Excusez-moi. C'est pas grave, du coup, t'es un petit peu fatigué, Camille, quand même, ce soir. On s'est réveillé d'un cauchemar, j'ai l'impression, où il y a Corentin. Bah, alors, on va revenir sur le centre du problème, hein. C'est juste pour te faire passer un petit message, Camille, hein, qu'on t'a appelé. Juste parce que c'est vrai que Doc, il l'a dit, hein, c'est pas essentiel de se laver tous les jours, mais c'est mieux. Mais voilà. C'est mieux. Oui, c'est vrai que c'est mieux, mais. J'aime pas trop celui-là parce qu'après, je me démange les bras avec mon gel douche, ça dépend. Alors, comme moi. Voilà. Comme moi. Faut changer de gel douche. Le gel douche, alors c'est important. C'est ultra important. Mais après, avant, je me démange. Là, j'ai réussi à prendre un gel douche, ça va encore, mais je me démange un peu moins que d'habitude. Voilà. Mais en fait, tu vois, si c'est juste un problème de gel douche, ça peut le régler. T'as une peau sensible, il faut juste que t'achètes des savons sans savon. Pas trop de solution, j'ai beau prendre des douches. Moi, à mon avis, je pense que c'est un peu de la mauvaise foi. D'accord? Je vais être claire avec toi. Il y a ça aussi, mais. Ouais, il y a de ça aussi. Moi, je vais te dire, j'ai des problèmes de peau, je peux pas me doucher avec le trois quarts des gels douches que tu vois dans les grandes surfaces, les trucs avec des parfums, avec des trucs comme ça, je peux pas me doucher avec ça. Je suis obligée de me doucher avec soit des trucs pour bébé ou soit avec des huiles de douche. Et après, tu t'hydrates la peau parce que t'as la peau qui a été un peu sensibilisée par l'eau, donc il faut mettre de la crème. Mais l'excuse du oui, ça me démange, ça machin, imagine lui comme ça le démange de te vaporiser avec du Febreze avant un cuni. Tu vois? Donc il y a un moment, il faut aussi remettre les choses à leur place. Bah oui, mais c'est comme ça aussi. Imagine, si à chaque préliminaire, toi, tu lui envoies une croûte de fromage autour du gland. Tu vois, il y a un moment, il faut penser aux deux. Il faut penser aux deux. Ah ouais, voilà. On a tous eu l'image. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Bah bon. Voilà, et lui, il t'aime. Il existe plein que tu l'aimes. De. J'ai pas l'impression que tu m'aimes en vrai. Je dis franchement, pour un temps, j'ai pas l'impression que tu m'aimes. Oui, bon, bah nous, on t'entend mal. J'ai dit franchement, dans toute la France, j'ai pas l'impression que tu m'aimes. Bon, eh ben, et il arrête pas de nous dire le. Il a... Oh, dans le téléphone! Camille! Attends, non, mais je viens de me dire un truc. Il passe plus de temps avec sa meilleure amie que moi, en fait. Et sa meilleure amie, c'est Mimi, elle passe plus de temps avec lui que moi. Mais Camille. C'est normal, vous êtes d'accord? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Camille, bah, voilà. Il nous a appelé en nous disant qu'il était amoureux de toi. Camille! Moi, j'ai pas. Oui, attendez, j'écoute. Oui, Corentin, il nous a appelé en nous disant qu'il t'aimait, qu'il était amoureux de toi. Donc pour nous, la question, elle est claire là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc, non, il restait après, pas avec toi. Après, les histoires sinon. De copains, de copines, etc., vous allez le régler. Faut que vous ayez une discussion franche là-dessus. Mais en tout cas, lui, il nous a dit qu'il était amoureux et qu'il voulait rester avec toi. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Pour les histoires de gel douche, il y a des marques en pharmacie, en parapharmacie, qui sont sans savon, qui sont surgras, qui ne démangent pas. Et tu vas trouver celui qui te va. Donc s'il faut, tu vois un dermatologue à la rigueur. Mais vraiment, déjà, en pharmacie, en parapharmacie, il y a plein de savons. Et bien sûr. Faut lui donner envie aussi de passer du temps avec toi et pas avec sa meilleure amie. famille, mais si à chaque fois il est bloqué par ce sujet et qu'il a peur de relancer, faut le comprendre aussi. Donc après, vos histoires de cœur, c'est autre chose, mais il t'aime et il veut juste une solution. Donc au moins, t'as compris le message, on espère. Oui, j'ai compris. Merci Camille, on va te laisser faire dodo, d'accord? Non, mais j'ai envie de dire un truc. Ouais? Je fais une dédicace à ma mère que j'aime de tout mon cœur. Valérie, voilà. Bien sûr, qu'on embrasse très très fort. La valoche. Comment, Camille? Elle s'est mariée, je suis contente pour le mariage. Ah, bah voilà. Félicitations. Félicitations Valérie. Ouais. Et Camille, nous on te fait des gros bisous. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. D'accord. À bientôt. Salut. À bientôt. Voilà. Bisous. Bon, du coup, j'ai raccroché, Corentin. Je suis désolé, j'aurais peut-être dû te la repasser. Mais en attendant, je pense que le message est passé. Ouais. Elle était un petit peu fatiguée, là, rassure-moi. Oui, elle dormait. Ah oui. Oui mais voilà. Avec un appareil dentaire, visiblement. C'est bon, je fais des mauvaises blagues. Mais au moins, Corentin, d'habitude, Corentin, elle avait l'air de toujours nier. Là, elle nous a dit les choses clairement. Ça me saoule, j'ai pas envie, elle a trouvé des excuses. Ça m'a fait du bien de l'entendre de sa bouche qu'elle avouait qu'elle avait du mal à se laver. Mais maintenant, je sais pourquoi elle a du mal à se laver maintenant. Voilà. Ah voilà, tu sais exactement. Quoi lui acheter. Et tu sais qu'il y a des solutions en plus. Des savons exprès. Tu voilà. Peux aller à la parapharmacie avec elle. En plus, c'est son anniversaire le 1er novembre, donc je vais acheter des louches. Voilà. Et tu sais quoi? Eh putain, j'ai noté ton idée, je trouve ça canon. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Le best-of sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. Vous le savez, en plein best-of de Noël et en plein sexy chocolat. Dans un instant avec Lucie, 21 ans d'Orléans, qui avait testé son mec. Son mec était soi-disant en vacances avec des potes. Enfin, c'est ce qu'il lui avait dit. Vous allez tout savoir dans un instant, restez avec nous. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Nouveau son. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Lucas and Steve. Kaigo. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente le Bike and Run de Sedan, la course la plus fun de la région Grand Est. Vendredi, venez participer à cette course festive de 10 km. Et juste après, retrouvez le DJ Fun Radio Mico C qui vous mixera tous les tubes de Party Fun dans la cour du plus grand château fort d'Europe. L'événement Bike and Run à Sedan, dans les Ardennes, c'est avec Fun Radio, le son Dance Floor. Plus d'infos sur sedan.triathlon.com. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio. I'm braving the night cause I can't sleep. Thinking about you. Or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Live without you. Kiss so careless, sweet like maple. Can't live without you. Can't live without you. I know you had to know. The city lights just there. whisper after the talk. I keep missing you too much. I know you told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to know the city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. Baby, when I hear you whisper after the talk, I keep missing you too much. Le best-of sur Fun Radio. A-t-il vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love in Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Tous les soirs, du dimanche au jeudi, 22h minuit, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On est en Facebook Live. Oui. Sur le Facebook de Love in Fun et le Facebook de Fun Radio. N'hésitez pas. Salut à tous ceux qui sont connectés. Hey. On fait des gros bisous. J'embrasse fort les filles. Et le nouveau doc est ici. Ah oui. Parce qu'il y en a peut-être qui viennent de nous rejoindre. Tu vois, j'ai entendu dire, il y a un nouveau médecin. Il est comment? Il est beau. Il est là. Il est beau, il est avec nous. Il est sexologue. C'est ça. Alors, Doc Pavageau, tu connais bien cette émission? Oui. Oui, alors, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Oui. Alors, attention, top à la question. Doc Pavageau, ici on peut tester la fidélité de son mec ou de sa nana. Comment s'appelle la rubrique? Sexy chocolat. Bravo, Doc. On peut l'appeler. Bravo. Je l'avais dit il y a 30 secondes. Là. Alors, effectivement, sexy chocolat, ça intervient à tout moment. On a gardé le sexy chocolat pour cette nouvelle saison parce que vous l'adorez. À votre demande. Ouais. Et vous en avez surtout besoin. Ouais. On a Lucie qui est avec nous, 21 ans d'Orléans. Bonsoir Lucie. Salut tout le monde. Salut Lucie, comme beaucoup de personnes cet été, tu as peut-être été trompée, mais tu ne le sais pas. Oh, c'est horrible. C'est vrai. C'est bien une période. Mais moi, c'est tout ce que je te souhaite, pas vraiment. Hein. Et Lucie. Après, je picote souvent et c'est pas la première fois et je sais que tout était réglo. Donc là, ça se trouve, je m'inquiète encore pour rien. Mais oui, t'es une parano. Explique-nous pourquoi ce soir tu es inquiète et pourquoi tu veux qu'on l'appelle pour le tester. Bon, en fait, j'ai mon copain avec qui je suis depuis un an et demi, qui est parti en vacances avec ses potes depuis lundi. Mmh. Et depuis, il n'est plus de nouvelles. C'est la première fois qu'il part avec ses potes? Bah non, il était déjà parti, mais il était peut-être resté un jour ou deux sans donner de nouvelles, mais jamais autant, quoi. C'est après, énorme. Je comprends qu'il est avec ses potes, qu'il veut avoir un peu d'espace, tout ça. Mais là, oui, ça fait vraiment, ça perd beaucoup, quoi. Un an et demi que t'es avec ton mec, l'autre il te donne pas de nouvelles pendant une semaine. Mais on dirait qu'il t'a ghosté quoi, donc, presque. Donc c'est vraiment chelou là. Donc là, on va encore dire que je psychote pour rien, mais au bout d'un moment on est d'accord que une semaine c'est louche. Ça, c'est bizarre. Bah oui. Carrément. Et donc il s'appelle Renaud, c'est ça? Donc là il est en vacances? Oui. Ok. Bon, oui. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Normalement, il va donner ton prénom. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. J'espère qu'il a juste un problème avec son téléphone, je sais pas. Bah, t'as pas réussi à le joindre. Ma mère, quand je l'appelle, en fait, il répond pas. Ou alors, des fois, je tombe sur la messagerie. Okay. Ça se trouve, il est mort. Donc, oh, Mais non, on sait pas. Arrêtez, ça se trouve, c'est super grave. Mais non, mais c'est vrai. On peut s'attendre à tout. Et il nous a peut-être quitté. Non, mais une semaine sans nouvelles, c'est dingue. Moi, j'aurais trop peur. J'aurais retourné tout le monde. Quoi. Ouais. Et franchement, je pense que t'as raison. Je préfère qu'il soit mort qu'il soit avec une autre. Oh, mais non, mais dis pas ça. Oh. Ah non, tu dis pas ça. Alors, on va l'appeler. On va savoir. Alors, t'as appelé ses potes aussi? Juste. T'as appelé ses potes aussi? Non mais ses potes, je peux pas les encadrer de toute façon parce que eux ils sont toujours eux c'est les mecs qui s'en foutent de tout, ils prennent les meufs pour des connes tout le temps. Donc voilà, c'est ça en plus, s'il est avec eux, il peut être grave influencé, ça se trouve. Ah bah, Lucie, on l'appelle tout de suite, on compose son numéro de téléphone, c'est Denichon qui va l'appeler. Ah, il a le passé retour. Ah bah il a passé des belles vacances ça avec son homme au Cap d'Agde justement. Ah bah je suis contente de vous retrouver. Double personnalité le mec. Ah, me fait plaisir. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Renaud, s'il vous plaît? Et moi, pourquoi? Oui, bonsoir, c'est Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas? Non, c'est quoi ce bordel? Alors, je vais vous expliquer. Alors, je sais qu'il est un petit peu tard, hein, je vous appelle... Oh, il est déjà à cette heure-là. Alors, je vous appelle en fait parce que vous avez gagné un cadeau, d'accord? Alors, moi, en fait, je représente une boutique qui s'appelle Sexy Chocolat. On est basé dans la France entière. Et comme vous avez gagné un petit cadeau, c'est pour ça que je vous appelle. En fait, ce qu'on vous propose, écoutez bien attentivement, cher Renaud, c'est d'offrir pour 50 euros de chocolat érotique à la personne de votre choix. Donc, c'est pas quelque chose que vous avez gagné, vous, et que vous allez pouvoir envoyer à l'élu de votre cœur. La personne qui partage peut-être votre vie. Vous avez une petite amie? Bah oui, pourquoi? Eh ben voilà. Eh ben écoutez, vous allez lui faire plaisir. On va lui envoyer des chocolats érotiques. Comment? C'est des conneries. Ah pas du tout, pas du tout. Alors je sais qu'il est un petit peu tard et tout. Ah, nous on travaille jusqu'à 23h. Hein. On est ouvert, on fait la nocturne. C'est nouveau cette année. Vous vendez des chocolats jusqu'à 23h? Alors, oui, absolument. Alors, le concept des chocolats, ce sont des chocolats érotiques, voyez, en forme, voilà, de sexe, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des chouquéquettes, plein de petites choses chocolatées, des huiles de massage aussi, pour pouvoir masser votre partenaire. Tout ça à base de chocolat. Et on fait un carton, hein. Et pour se faire connaître, c'est une idée de notre patron, en fait, d'offrir comme ça des packs chocolat. Vous avez une petite amie, vous m'avez dit, vous savez quoi, vous prenez pas la tête, vous allez me donner son prénom, son adresse, ses coordonnées. Raccrochez pas. C'est quoi, c'est gratuit, c'est quoi, c'est payant, c'est vous êtes... quoi. Ah bah attendez, vous êtes, non c'est gratuit, vous êtes avec votre petite amie? Oui. Ah bah voilà, c'est super, elle s'appelle comment? Mélanie. Très bien. Bah écoutez, je suis très content d'offrir des chocolats érotiques à Mélanie. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Bon, ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. Et vous êtes parti en vacances avec elle, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ah bah voilà qui va faire plaisir à quelqu'un. Je sais pas. Si. Je veux des chocolats. Je vais vous passer ma patronne, d'accord? Pourquoi votre patronne? Bah, parce que je vous passe ma patronne, elle a des choses à vous dire, je pense. Je vous passe Lucie. Ouais, non, tu fais ma gueule là ou quoi? Donc putain. Mais tu fais ma gueule. En plus, c'est Mélanie, la pote de Kevin, là, c'est ça? Lucie. Bah vas-y, maintenant, ouvre ta gueule. Bah oui, c'est moi, tu veux que ce soit qui d'autre? Oh putain. Vas-y, et là, c'est censé être. Non, mais vas-y, là, c'est sérieux ou quoi? T'es là et tu me dis que c'est quoi, t'es en vacances avec tes potes, et là, je comprends quoi, t'es avec une meuf. Et en plus, t'es avec l'autre pute, là. Mais t'es avec qui, toi, là? Moi, je suis tout seul, je suis pas une grosse putain comme toi, tu vois. C'était qui avant, là? C'était qui avant? Là, t'es en direct sur Fun Radio, mon pote, et tu viens de passer devant pour un connard. Je suis en direct sur Fun Radio. Bonsoir, Renaud. Ouais, t'es en direct dans... Tu viens de te refouler, t'es un gros fils de pute. Non, c'est pas vrai. Et tu crèves bien, tu sais quoi? Non, c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Moi, je suis là, je t'appelle, je t'envoie des messages et tout, depuis une semaine, j'ai pas de nouvelles, tu te trouves ça normal? Oh putain, je suis grillé. Mais j'hallucine. Oh, c'est pas possible. Oh putain, je suis grillé. C'est quoi ce mec, sérieux? Vas-y, maintenant ouvre ta gueule. Bon, alors, je vais juste t'expliquer, Lucie, on comprend ton désarroi. Renaud. Renaud, écoute-moi bien attentivement. Tu es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, Alice. Il y a Doc Pavageau qui est là également. Et oui, effectivement, Renaud, tu viens de te faire piéger dans le sexy chocolat de Love in Fun parce que Lucie nous a appelé, nous a expliqué. C'est quoi, tu peux crever ta mère, tu récupères toutes tes affaires chez moi. Par la radio, toi. Mais tu sais quoi, le connard dans l'histoire, c'est pas moi, c'est toi, t'es une grosse putain, les baisers les premières meufs qui arrivent. Et ça fait 6 mois que t'as avec elle. Donc en fait, la dernière fois que t'es parti. Hein. Ouais, tu te fais remarquer. Mais du coup, c'est comme d'habitude, mec, t'es un gros fils de pute, tu veux quoi? Je m'en fous là, tu sais quoi? Mais quand tu reviens de vacances avec ta grosse putain là, tu viens, tu reviens toutes tes affaires. Franchement, c'est une salope à faire ça. Eh, Luc. C'est moi la salope. Et Renaud, tu respectes Lucie? Oui. Tu lui parles pas comme ça. À passer par la radio pour faire. Apparemment, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça pour avoir ta franchise. Je réponds pas au téléphone, j'ai pas d'autre choix, donc maintenant, viens bien niquer ta mère. Renaud, elle avait des gros doutes. Voilà, elle était mal, elle était angoissée, pas de réponse. Il y a un moment donné, bien évidemment, qu'elle a envie d'avoir des réponses. C'est un peu normal de lui répondre. Je sais pas si c'est une connerie aussi, mais je suis sur fond de radio, je sais pas. Bon, en direct, ouais. Baisse. Ah, passe-la nous, ta copine, on va lui expliquer. Ouais. Renaud, est-ce que tu es d'accord pour rester avec nous pour avoir une explication? Je pense que c'est au moins minimum que tu peux donner à Lucie ce soir. Une explication tête à tête avec. Oui, avec Lucie. Bon, on va reprendre Lucie de toute façon dans un instant. On prendra des nouvelles de Renaud. Il y a sa petite copine qui est là aussi, juste à côté. Elle aura pas de chocolat, dis-lui. Ah ouais. Elle peut. Allez, se faire foutre. Alors, Lucie, tu restes avec nous, d'accord? Bon, on n'aura plus Renaud qui vient de raccrocher, ce qui peut se comprendre, mais on va essayer de le rappeler quand même. Dans un instant, des nouvelles de Lucie. Et bien sûr, Doc, tu vas lui parler pour la rassurer là quand même. Lucie qui est dans tous ses états. Et ça va aller, Lucie? Non, ça va être compliqué. C'est difficile. Bon, on va te reprendre dans un instant, Lucie. 22h, minuit. Love. Le best of. Sur Fun Radio. On va retrouver Lucie, bien sûr, dans un instant. Vous restez avec nous parce que Lucie, elle est pas bien, hein. Vous pouvez le comprendre. On avait repris de ses nouvelles. Elle est avec nous et il y a encore un rebondissement. Vous bougez pas, c'est Love in Fun. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de girar. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. Cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía, yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y los espanto. Me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El caco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. 22h minuit. Le best-of sur Fun Radio. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez raté un truc. On a assisté à un drame dans le premier sexy chocolat de cette nouvelle saison. Ah oui. Puisqu'il y a eu tromperie en direct. Lucie nous a appelé. Elle a 21 ans. Elle est d'Orléans. Comment ça va, Lucie? Ça va. Bon, alors, ça va. Mon mec vient de me tromper, mais c'est cool. Ça va doucement. Alors, je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là. Lucie nous appelle et nous dit, voilà, ça fait un an et demi que je suis avec mon mec, tout se passe bien. Sauf que là, il est parti depuis une semaine, j'ai plus de nouvelles. Il est avec ses potes. Et on l'a appelé. On lui a proposé d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Et le mec, qui s'appelle Renaud, était pas du tout avec ses potes. Il est avec une nana avec qui il est depuis 6 mois. Voilà où on en est. Il y a eu une confrontation. On a tout expliqué à Renaud, qui a quand même décidé de rester avec nous, sachant qu'il y a la petite copine qui est à côté. Hein. Renaud. Ouais, je suis là, je vous écoute. Ok, Renaud. Donc... C'est là, c'est génial. Alors, vas-y, détends-toi. Renaud. Tu veux que je me détende? Mais t'es sérieux, mec? Là, t'es en train de baiser une pute et après tu te fais à moi de me détendre. Ça a couvert les yeux. C'est 6 mois. Là. Alors, justement, Renaud, pourquoi t'en es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu l'as trompé? Il y en a un qui respire trop dans son téléphone. Alors, je pense que c'est Lucie. C'est Lucie. Je comprends que tu puisses marcher et tout machin. Et c'est quand même juste. Alors, c'est Renaud. Alors, Renaud, je comprends que tu sois énervé. Hein, parce qu'on t'a dit... Tu n'as aucune excuse. Reste dans un coin. Arrête de bouger. Voilà. Enfin. Alors, Renaud, qu'est-ce que tu peux dire ce soir à Lucie sans rentrer dans des insultes ou quoi que ce soit? Enfin, je veux dire, à un moment donné. J'ai pas d'explication à donner là, franchement. T'as pas d'explication, mais c'est un gros connard. Tu me trompes avec une meuf depuis 6 mois et t'as aucune explication à me donner. Là, je suis sur le cul. T'étais vraiment. Ouais, mais crève bien ta mère. C'est moi qui ai trop difficile, mais sérieux. Non, c'est toi qui devrais avoir honte de me tromper. Non, c'est toi qui as honte de faire ça dans la radio, franchement. Toute la France t'entend là. Mais mec, t'as avec un. Mais toute la France voit surtout que t'es un gros fils de pute, mon pote. Renaud, je pense que le débat qu'il y a va être un peu stérile, ça va pas amener à grand chose. Nous, on est là pour essayer de comprendre. De toute façon, c'est tout vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que pendant 6 mois, tu dis rien, t'es avec quelqu'un d'autre sans rien lui dire du tout, Lucie? J'ai pas d'explication, j'ai pas de. Voilà. Ah, si, quand même. C'est comme ça fait 6 mois et. Ah, comment t'en es arrivé là? Elle a bien vu, je réponds pas au téléphone, de toute façon, c'est rien de. Oui, non, mais on n'agit pas comme ça avec quelqu'un. Mais c'est normal que mon mec ne réponde pas au téléphone. Ça fait un an et demi où on est ensemble, mec, c'est tel. Tout le monde compte, je sais pas, tu me réponds quand je t'appelle ou quand je t'envoie un message une semaine sans rien. Pourquoi n'avoir jamais rien dit avant? C'est pas. Franchement, non, mais pas. Bah, si t'es avec quelqu'un d'autre, a priori, c'est que t'es amoureux. Hein, normalement, c'est un peu ça. Par conséquent, si t'es amoureux de quelqu'un d'autre, tu peux, par respect, dire à la personne d'avant, écoute... Non, bon. Je suis parti avec Mélanie, elle a rien vu pendant 6 mois, t'as même rien vu. T'as même pas le courage de t'expliquer, tu veux quoi? Franchement, j'ai pas vraiment... Tu peux comprendre, Renaud. T'as juste rien à dire là. Non, continue à fermer ta gueule. C'est quoi, continue à fermer ta gueule? Renaud, maintenant que tu t'es fait griller et maintenant que Lucie est au courant, comment est-ce que toi tu réagis par rapport à Lucie? C'est-à-dire que là, de toute façon, tu voyais votre relation comme étant terminée. T'es un peu soulagé quelque part? T'es énervé? De toute façon, qu'elle reste dans son coin, elle va faire des trucs débiles là, enfantins là, à la radio. Là, il faut arrêter. Mais comment c'est possible que tu puisses agir comme ça? Non, Renaud, ça, c'est pas le problème, ça. Renaud, c'est pas là la question. C'est pas qu'elle fasse des trucs débiles en passant par la radio. Elle t'a mis devant le fait accompli. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait besoin. Parce que t'as pas donné de nouvelles pendant une semaine, ce qui ne se fait pas. Et en plus, c'est pour apprendre que t'es avec quelqu'un d'autre. Donc, un minimum de respect quand on est avec quelqu'un, c'est quand même de dire, bon, écoute, bah voilà, je suis désolé, mais c'est fini, je suis avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça n'est pas lâche. C'est être adulte et responsable. Alison, notre auditrice du soir, Alison, qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chérie? Ah bah, moi, je pense que c'est qu'un gros con. Ah voilà, j'en attendais pas moins de ta part. Hein, on est dans la simplicité. Hein, on est dans la conclusion. En attendant, Renaud, là, pour le coup, écoute, je pense qu'il va falloir être clair avec Lucie, vraiment. Ou laisse-la tranquille, quoi, maintenant, c'est bon. Ouais, à la limite, tu sais quoi, t'arrives pas à être clair, t'arrives pas à être honnête. Elle a le courage de donner ses excuses ou quoi que ce soit, elle a aucun répondant. Le mec, le seul truc qu'il a à dire, c'est que je suis une gamine, parce que je passe par Fun Radio. Ouais. Voilà. J'ai répondu ton téléphone. Il retourne. C'est toi la gamine. Il retourne la situation. Il est probablement très limité. Alors laisse tomber avec ce mec-là. Franchement, passe à autre chose parce que de toute façon, t'auras pas gain de cause. Il est bête. Voilà. Il a raccroché. Voilà. Sinon, j'aurais dit à Renaud, surtout, essaye d'être plus franc avec la prochaine. Ouais. Bah, écoute, il y arrivera pas. Non, à mon avis, c'est pas gagné. En attendant, Lucie, on est vraiment, pour le coup, vraiment désolé que ce soit passé comme ça. Et j'espère vraiment qu'on, que tu vas réussir à. Oui, bien sûr. À affronter ça, quoi. Parce que c'est jamais évident. Non, c'est un mauvais cap à passer. Ouais. Bon, maintenant, t'es mis face à la réalité. C'est la réalité que tu craignais la pire. Bon, mais c'est celle-là. Au moins, maintenant, tu la connais et tu vas pouvoir prendre ton temps pour rebondir et trouver quelqu'un de nettement mieux que celui-là. Bon. Carrément. Ça prendra du temps, bien sûr. On va te rappeler très vite, comme on le fait tout le temps dans cette émission, pour prendre de tes nouvelles. Love in Fun. De 22h à minuit. Le best-of sur Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, une question à la con. On va parler des couilles. Oui. On parle de tout dans cette émission. Et les questions, même parfois les plus connes, elles sont souvent drôles. Restez avec nous. Et on aura aussi Camille qui était complètement tombée amoureuse de son collègue qui avait 14 ans de plus qu'elle. On va parler de la différence d'âge dans le couple. Vous restez bien avec nous. It's going to be a fun night tonight. It's going to be a fun day tomorrow. It's going to be a fun night tonight. It's going to be a fun day Question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Maëva. Salut Doc, salut Karen, salut Alice. Salut. Bonsoir Maëva, tu as 21 ans, tu nous appelles de Reims, tu avais une petite question con. C'est ça, moi du coup dans une émission précédente j'avais entendu que le sperme du coup dépendait de ce qu'on mange. Oui. L'odeur. L'odeur, ouais. Bien sûr. Oui, ok. Et du coup, moi je me demandais si par exemple mon mec il mange quelque chose de sucré et que genre s'il m'éjacule dans la bouche,

Parce que là, on a un vieux courant d'air. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas. Non mais non voilà. Je sais pas. Non je sais pas. Je... Non mais vous voulez qu'on tombe malade ou quoi? Tu tombes peut-être malade. Hein. C'est toi Kassim. Non j'ai rien touché. Pour une fois c'est pas moi. Hein. D'accord ok. Alors excuse nous Camille. Hein, on était un petit peu en train de régler un petit problème de climatisation. Et Camille tu nous appelles parce que t'es amoureuse. Oui maintenant je crois qu'on peut dire que je suis amoureuse. Hein, c'est un peu trop tard. Écoute c'est top. Si t'es amoureuse. T'es amoureuse de qui? Parce qu'a priori ça pose un problème d'être amoureuse. De mon collègue de travail. Ok. En tant que je travaille dans une ferme, donc c'est un effectif réduit. Ouais. Et c'est un garçon qui est beaucoup plus âgé que moi. Ouais, il a quel âge ? Que j'ai rencontré, il a 34 ans. Ouais, et toi t'en as 21. C'est ça. Donc, alors je sais pas ce que pensent les gens autour de toi et si c'est important pour toi. Et moi je pense qu'il y a aucun problème. Il est célibataire. On va sûrement prendre ça. Ah oh bah oui, il est célibataire, oui. Il a pas eu beaucoup d'histoires avant moi, donc... Il m'aurait dit, j'ai 14 ans et il a 23 ans, hein, c'était pas la même. Mais franchement, Doc, il y a pas de... Non, bien sûr, 21, 34. Après, voilà, c'est tout à fait personnel. Elle, ça lui pose un problème, a priori. À mon avis, c'est pas à elle que ça pose un problème, c'est à son entourage. Quoi ? C'est même pas... C'est encore un peu plus compliqué que ça, parce que, bon, bah moi, je me pose des questions, je pense que c'est normal, enfin, à mon âge, de se poser pas mal de questions aussi. Et après, j'ai du mal à trouver les arguments pour lui faire comprendre que oui, certes, ce sera peut-être pas tous les jours évident parce que y en a qui vont nous regarder bizarrement, mais ça ne coûte rien en fait de tenter le truc quoi. Parce que coup, j'aurais bien aimé avoir des conseils. Mais lui, ça lui pose un problème, c'est ça en fait. Lui, il est très très anxieux par rapport à ça et il me le dit quand on passe des moments ensemble. Il dit si t'avais 10 ans de plus, je me lâcherai, quoi, il le dit. Bien sûr, donc toi t'es très amoureuse de lui, lui aussi est très amoureux de toi, mais ce serait plutôt lui qui aurait des soucis avec ça. Oui, après, bon, ce que je disais, c'est à moi aussi d'essayer de lui parler et de lui montrer que je suis pas les filles qu'il a pu connaître avant, en fait, quoi. Bien sûr, est-ce qu'il s'est passé avec les filles ? Je vais m'investir dans cette relation et on prendra le temps qu'il faudra pour que les gens l'acceptent, mais on vit pour nous et pas pour eux, quoi. C'est surtout le qu'en dira-t-on, en fait. C'est surtout le regard des autres qui le gêne, c'est ça ? Oui, puis aussi la particularité, le fait que on travaille ensemble, on est tous les jours ensemble. Et qu'est-ce que va dire l'employeur ? Parce que on est quatre dans la société, donc l'employeur et trois salariés, deux salariés et un apprenti. Que va dire le patron que du fait que la petite nouvelle sorte avec le salarié qu'elle a depuis 10 ans, quoi ? Et alors, alors c'est vrai que souvent on dit qu'il faut pas mélanger le travail avec les amours ou les relations, mais c'est et que ça pose un problème, mais il se trouve quand même que dans les statistiques, je crois que c'est près de 65% des histoires d'amour qui ont débuté sur le lieu de travail. Donc c'est de toute façon un énorme lieu de rencontre. Ah, bien sûr. Voilà. C'est la vie, vous tombez amoureux, vous tombez amoureux, l'un et l'autre. À partir du moment où vous savez ne pas mélanger, c'est-à-dire que le travail c'est le travail, et quand on travaille on est au boulot, et puis on fait ce qu'on a à faire. Après voilà, vous n'êtes pas obligé d'être démonstratif, de montrer votre vie de couple quand vous êtes au travail. C'est peut-être ça la seule limite, mais si... vous savez respecter la différence entre le travail et le moment où vous vivez votre relation, normalement, le patron, il dira rien. Hein. Ouais, après... Ça te choque, toi, Alice ? Non, vraiment, ça me choque pas du tout. Mais ce qui me choque, c'est que tu commences déjà à te poser trop de questions par rapport à ça. Et tu cherches des excuses. Oui, mais là, lui, il se pose plein de questions. Mais toi, tu cherches quand même aussi des excuses. Oui, mais le patron, mais machin, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et du coup, c'est ça. C'est soit tu te laisses vraiment aller, et lui, il fait de même aussi. Et puis après, c'est votre histoire. Ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé d'en parler au patron. Vous n'êtes pas obligé de le montrer. Donc pour moi, ça vous regarde, quoi. C'est votre intimité. Et vraiment, je pense que l'amour peut aller au-delà de ces différences d'âge. Et même le fait que vous soyez que quatre dans ton métier. Moi, franchement, ça me poserait aucun problème. Alors, ça c'est notre avis, tu vois, avec du recul, après nous, on a eu différents témoignages sur cette antenne, et la plupart du temps, quand on a parlé de différence d'âge, ça nous a jamais vraiment choqué, sauf quand la personne était parfois mineure, mais vraiment, très jeune, quoi. Si la famille est ok, franchement, si t'es pas jugé vraiment par ton entourage et tout, faut que lui réussisse à passer au-dessus de ça. Si vraiment tu comptes assez pour lui, il arrivera à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu... Ça peut être un petit peu parfois quelques difficultés, c'est vrai, puisque quand on a un âge assez différent, on va pas avoir les mêmes envies au même moment, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même vécu, donc on vit pas les choses de la même manière. C'est une des difficultés des couples où les différences d'âge sont importantes. Mais là, 21-34, c'est quand même pas majeur. Quoi. Ça va, il est, enfin, 34 ans, on n'est pas vieux, quoi. On va lui passer un petit coup de téléphone. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Je suis pas trop bon parce que il dort devant un poste de bonheur. Ok, et on lui passe pas un petit coup de téléphone alors, mais si je te. Désolé, mais... Non, mais attends, Camille, toi, hein. Si je te le propose, c'est juste pour toi. C'est parce que derrière ta question, il y a surtout Daniel. Et Daniel aussi, il a l'air de se poser beaucoup de questions. Donc, ça aurait été pas mal qu'on puisse l'avoir au téléphone, même si tu veux, demain, peut-être en début d'émission. Comme ça, on en parle avec lui et on a son ressenti à lui parce que lui aussi a l'air de se poser pas mal de questions. On voit ce qui bloque, quoi. Bah oui, à la base, c'était lui qui se posait des questions. Au début, moi, j'y allais tête baissée, mais et du coup, quand il a commencé à se poser des questions et à m'en parler, forcément, moi, ça m'a embrouillé l'esprit. Et... Du coup, c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'étais un peu perdue, un peu à me poser 15 milliards de questions. Normal, de mon côté, mes parents, je sais que ma mère, je suis assez complice avec, du coup, j'en ai déjà parlé, et puis elle l'a déjà vu et ça passe sans problème, quoi. Ah oui, 34 ans, ça va, oui. Quoi. Tu vois, mec, rien. Vivez votre affaire, vivez votre histoire, allez-y, c'est vraiment. Bah oui, on a Ludivine. Alors, elle va te décomplexer, hein. Ludivine, elle a 26 ans. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir. Bonsoir, Ludivine. Est-ce que je peux te poser cette question? Quel âge a ton mec? Il a 51 ans. Voilà. Donc là, on est sur un peu plus de différence d'âge. Laissez-moi calculer. Je vous donne la réponse demain. Alors, Ludivine, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu l'as rencontré. Ça a été un coup de foudre. Au début, j'étais pas trop chaude pour être avec lui. Et puis après, il a trouvé les bons mots. Et puis, ça s'est fait naturellement comme ça. Il a 25 ans de plus que toi, quand même. Mmh. Puis, voilà. Presque pile le double. Moi, je me moque de ce que disent les gens. Le principal, c'est l'amour qu'il y a entre nous. Après, si les gens ils pensent ce qu'ils veulent, moi, j'en ai rien à faire. Ouais, non, mais c'est la bonne raison. C'est comme ça qu'il faut vivre. Bien sûr. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il ne faut pas se fier à ce qu'on peut penser, ce que les autres pensent. Faut vivre l'instant présent tant qu'on peut en profiter. Le principal, c'est d'être amoureuse et amoureux et de vivre son histoire. Après, ce que les gens en disent, faut les laisser penser. Voilà. On peut pas les empêcher de penser, mais laissons-les penser. Moi, contrairement à la personne, mes parents ne l'acceptent pas. D'accord. Ah oui, en plus. Mmh. Alors, voilà. C'est moi, je peux comprendre qu'avec 25 ans d'écart, ce soit plus difficile. Hein, ah autant, oui, c'est l'âge des parents. C'est, et oui, tout, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà, il est plus âgé que ma mère. Voilà. Ah oui. Mais c'est juste pour ça, quoi, au final. Et est-ce que tu le ressens au quotidien, cette différence d'âge, dans votre relation? C'est vrai que pour les loisirs, c'est plus compliqué que pour quelqu'un du même âge que moi. Mais après, pour tout le reste, non, il n'y a pas de différence autre. Ah, il aime le Scrabble, quoi. Forcément. Le bridge. Non, disons que si on doit aller au cinéma, le choix du film ne sera pas forcément le même que. Voilà, oui, et puis avec la carte vermeille, lui, il va payer moins cher, du coup, forcément. C'est ça, mais bientôt, il va avoir les points retraite. Et il va avoir la carte senior. Ah, la carte senior. On n'en est pas encore là. Mais c'est complémentaire. En même temps, voilà, il te fait certainement voir des films que tu verrais pas et tu lui fais voir des films que lui n'irait pas voir. Voilà. Tu sais, et je crois que t'as entièrement raison, Ludivine, quand tu dis qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Si on était tous capables de faire ça, franchement, on kifferait peut-être plus la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Oui. Et voilà, c'est une belle histoire d'amour. Ouais. Et tant que ça dure et que t'es heureuse et que vous êtes heureux, c'est ça le principal. Et c'est ce que tu dois comprendre, Camille. Plutôt que de te poser des questions, vis ta relation à fond pour ne rien regretter. Et ensuite, tu feras les comptes si jamais ça l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des autres, quoi? Ça sert à quoi de vivre pour les autres? Rien, franchement. Ça sert à rien. Ah, je vais essayer de lui en parler demain. Je l'envoie demain matin. Bien sûr, rassure-toi avec lui, parler tous les deux, c'est la communication qui fera la différence. Voilà, et puis lui transmettre ta joie de vivre et ton enthousiasme, lui dire mais non, mais t'inquiète pas, on s'en fout des autres, il y a les autres, qu'est-ce qu'on en a à penser? Voilà, ils pensent ce qu'ils veulent, de toute façon, vous ne pourrez jamais les empêcher de penser, et en revanche, vous pouvez vous empêcher de vivre, et ça, ce serait quand même dommage. C'est ce qui est en train de se passer plus ou moins, parce qu'on n'endort quasiment plus l'un comme l'autre. Donc, ah oui. C'est pour ça, il m'a jamais dit clairement qu'il avait des sentiments pour moi, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand une personne nous dit qu'elle est en train de penser à nous toute la nuit et que dès qu'on se voit, il est en train de me regarder dans les yeux, de me dévorer, je pense pas me tromper, quoi. Évidemment. Clair. Évidemment, et c'est ridicule de vous prendre la tête pour ça, alors que vous êtes en train de tomber fou amoureux l'un de l'autre. C'est ça qui compte. Hein, Camille, tu vas lui rouler une grosse pelle demain. Je vais lui en parler demain et là je suis décidée là, grâce à vos témoignages, à vos conseils là, je suis décidée, on va foncer et puis voilà. Mais exactement. Et franchement, je vois pas en quoi ce serait un mauvais conseil que de te dire de foncer et de vivre ça à 100%, quoi. Camille, on prendra des nouvelles, hein, ma Camille. Et si jamais tu veux qu'on en parle aussi avec Daniel, hein, on en parle avec Dany, tranquille, hein, et on fait le point avec lui. Ouais, je vous rappellerai pour vous dire si jamais il est OK pour ça. Ça marche, bah avec grand plaisir. Merci. Camille, on t'embrasse fort. Gros bisous. Merci pour tout. Salut Camille. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Oh, Père Noël ! Je l'ai vu passer dans le ciel. Ah là là, j'ai hâte. Dans le ciel. Ah, ça y est, il va arriver là. Mais moi j'adore ça, Noël. Bon alors, il tourne autour de la cheminée là. Ah ça y est, tourne. Oh, oh, Père Noël. Qui pète un câble. J'espère que vous allez bien les amis. Évidemment, vous le savez, cette émission est enregistrée. Nous ne sommes pas à la radio, mais là en ce moment, nous sommes avec le Père Noël en train de distribuer vos cadeaux. Et je peux vous le dire que on est sûrement en train de grave se les cahier là. Alice, oui. Tu serais la plus belle mère Noël que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ah, merci, je pensais que j'étais juste bonne à faire le lutin. Non, mais ça tirait bien aussi. Ah, ouais, vraiment, vraiment. On vous souhaite de passer un excellent Noël. Demain, c'est Noël et demain, on sera là à partir de 22h sur Fun Radio. C'est Doc qui chante là, vous l'entendez? Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Bonne soirée, belle nuit à tous. Joyeux Noël. Et surtout, réveillez-vous bien demain avec tous vos joujoux, tous vos cadeaux. Demain, on débriefera les cadeaux qu'on a reçus. Ah bah grave. Hein, même si on les connaît pas encore, puisque cette émission est enregistrée. Hein, mais on va trouver. On va tenter. Ouais. C'est ça. On va parler des cadeaux qu'on aurait aimé recevoir. C'est ça. Ce que je n'ai belle pas soirée. Eu. Et belle nuit de Noël et on se retrouve dès demain sur Fun Radio. Ciao tout le monde. It's 4 a.m. I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home. Yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows they put the side effect of my lonely. Is you